L'actualité à Nancy et ailleurs. Marjorie, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va découvrir le collectif Nous Toutes. Présentez-nous déjà en quelques mots d'où vient ce collectif. Le collectif Nous Toutes est né en 2018 et au niveau Grand Est, c'est vraiment un regroupement de tous les collectifs locaux. Hein, parce qu'il y en a vraiment dans chaque ville, en tout cas dans chaque département. Alors Nous Toutes, c'est un collectif, c'est pas une association qui est uniquement centrée sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On l'élargit parce qu'on intervient aussi sur les violences économiques, psychologiques, verbales, physiques et sexuelles. Hein. Donc le champ est assez large, mais on est vraiment sur la problématique des violences, que ce soit sur les femmes, mais aussi bien sûr les enfants et les hommes. Hein. C'est plus large, malheureusement, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont davantage victimes, donc c'est pour ça que c'est ça qui est mis en avant, parce que c'est les premières victimes des agressions sexuelles notamment. Ce collectif donc est né après le mouvement hashtag MeToo de 2018, hein, c'est ça, c'est vraiment le point de départ. Qui retrouve-t-on au sein de ce collectif? Essentiellement des femmes, aussi des hommes? Oui, tout à fait. Alors, il y a des femmes, évidemment, qui sont au sein du collectif, mais ça accepte vraiment, c'est ouvert à toutes et tous. Hein. Il y a aussi des hommes qui nous ont rejoints et qui continuent aussi à être dans l'action, dans la formation, dans tout ce qui peut être mis en place par le collectif aujourd'hui. Aujourd'hui, pour parler de chiffres, pour 2020, c'est plus de 60 féminicides déjà qui ont été répertoriés. Aujourd'hui, on est à 63. Moi, samedi 12, donc samedi dernier, c'était le 63e féminicide depuis le 1er janvier, ce qui est très important. On sait que ça s'est accéléré malheureusement pendant le confinement. Donc aujourd'hui, on compte nos mortes, hein, entre guillemets. Et malheureusement, les actions en face sont pas à la hauteur de ces événements très malheureux, de ces crimes, hein, on peut pas appeler ça autrement. Donc de se réunir au sein de ce collectif, c'est pour faire pression, pour que les choses évoluent, qu'il y ait des actions justement menées au niveau gouvernemental? Alors, il y a plusieurs choses, hein. C'est vraiment un collectif qui est tourné vers l'action, mais aussi vers la formation et puis la sensibilisation de toute la société. Bien sûr, au niveau gouvernemental, hein, pour rappeler ces chiffres, pour être là et pour pousser à mettre en place des choses, pour aussi lutter contre l'impunité des violeurs, parce qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, aujourd'hui, il y a à peine 10% des viols ou des agressions sexuelles qui amènent à une plainte et 1% seulement de condamnation. C'est des chiffres sur lesquels le ministre avait été étonné. N'empêche qu'ils sont là, ces chiffres, et ils sont dramatiques, 1% de condamnation. Voilà, donc on est là aussi par rapport à pouvoir pousser ces informations, mais aussi former et aussi sensibiliser toute la société, parce que c'est à toutes les échelles, c'est même au niveau familial, c'est comme comme aujourd'hui, donc en septembre, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une journée où les jeunes filles lycéennes ou collégiennes, hein, plus largement, ont décidé de leur propre chef de faire de cette journée spontanément partout en France, de porter des jupes, des décolletés, des crop tops, de se maquiller un peu pour affirmer leur liberté face aux jugements et aux actes sexistes. Trop souvent, on leur fait des remarques, que ce soit au sein du collège, au niveau de la famille, à l'extérieur, des remarques sur la longueur de leur jupe, la profondeur de leur décolleté, ou bien même, entendu récemment dans un lycée sur Metz, une remarque sur un jean troué. Et toutes ces petites remarques-là qui paraissent complètement anodines participent à la culture du viol tout simplement, parce que c'est faire comprendre aux femmes, aux jeunes femmes, que de voir leurs joues est un problème, que c'est problématique qu'on voit une partie de leur corps. Et on le répète, et c'est aussi notre rôle de répéter sans cesse que la tenue n'est jamais le problème, que le problème c'est l'agresseur. Et de vouloir aussi faire appel aux enseignants, quel que soit le niveau, de dire attention à vos remarques, mesurez l'impact et le sens de celles-ci, regardez à quel point c'est culpabilisant, à quel point on montre du doigt les mauvaises personnes. Le collectif Nous Toutes existe depuis 2018, mais ce combat existe depuis bien plus longtemps. C'est 2018 qui a fait basculer aussi dans plus d'actions, plus de prise de conscience. Je pense que depuis très longtemps, les féministes ont pris conscience de certaines problématiques. Après, je pense qu'en 2018, il y a une certaine parole qui s'est libérée. Aussi, la prise de conscience peut-être plus collective des violences, et notamment aussi psychologiques et verbales et pas que physiques. Aussi, de se dire que la honte, elle doit changer de camp. À un moment, il y a eu un rapport le 3 mars 2020 par le collectif par rapport à la notion de consentement. C'est une notion sur laquelle on discute beaucoup. Il faut aussi beaucoup informer les jeunes filles et les jeunes garçons, hein, parce que on protège nos filles, il faut aussi éduquer nos fils. la notion de consentement qui est importante, de dire que tant que j'ai pas dit oui, c'est non, et c'est important d'insister là-dessus. Donc je pense que 2018 a ouvert encore une autre marche dans cette mouvance qu'il y a depuis des dizaines d'années, hein, sur le combat contre face aux violences. Hein. Après, là, on est ciblé sur les violences faites aux jeunes femmes, aux jeunes filles, mais elles sont plus larges que ça, même au sein du collectif. Et l'information auprès des jeunes, vous allez créer d'autres actions, d'autres méthodes pour mieux les toucher, mieux les informer? Alors, je pense que les jeunes sont très bien informés, ils viennent chercher l'information et c'est essentiellement aussi beaucoup par les réseaux. Il y a des actions de sensibilisation qui se font comme dans d'autres associations qui luttent contre les violences, qu'elles soient, on va dire, sexuelles, mais aussi en situation de handicap. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont très à l'écoute de ce genre d'informations. Ils viennent chercher l'information, mais elle est aussi descendue vers eux par les réseaux, par des sensibilisations, des actions de sensibilisation, oui. Ici, on veut en savoir plus sur le collectif et pourquoi pas s'investir auprès de vous. Comment on fait? Déjà, au sein du collectif, on est tous des personnes qui adhèrent, qui donnent un petit peu de temps, etc. C'est pas une entité, comme je dis, comme une association. Donc, toutes les personnes, alors que ce soit, on n'a pas besoin d'être professionnel, hein, parce qu'on n'encadre pas les gens victimes, on peut les rediriger. Et puis, on a des actions, comme je vous disais, c'est tout simplement sur le site, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on trouve très facilement nous toutes. Et puis, il y a après réparti en région, en fonction de là où vous êtes. Eh bien, Marjorie, merci pour toutes ces explications, pour découvrir donc le collectif Nous Toutes. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.